On va parler de la Ligue JMS. Évidemment, l'arrivée qui devrait arriver dans une annonce qui est imminente dans les prochaines semaines de la nouvelle équipe de Robertval, ça fait pas nécessairement que des heureux dans la région. Et c'est le cas entre autres de la Ligue du Lac aux Fleuves senior et de la Ligue JMS. En ligne, on va parler d'abord avec le président de la Ligue JMS, Pierre Guay. Salut Pierre! Salut Dan. Pierre, si on parlait d'abord, évidemment, d'entrée de jeu, j'ai dit que ça faisait pas nécessairement le bonheur de tout le monde. Et est-ce que ça veut dire que c'est la fin peut-être des Sabres de Robertval? Dire que c'est la fin des Sabres de Robertval, je peux pas parler pour les Sabres, mais moi j'ai pris contact avec la municipalité de Robertval. Et on m'a dit qu'il y avait de la place pour les deux équipes. Pour jouer à l'aréna, il n'y a pas de problème. Lui, c'est sûr qu'il veut remplir ses journées. Mais il dit là, mais ce qu'il faut regarder, c'est les commanditaires. Ouais. Il va avoir des commanditaires pour la Ligue des juniors. Il va avoir la chambre qui va appartenir aux juniors, parce que moi, j'ai demandé. Là, les juniors étaient contents de s'en aller voir à Merval. Il y a leur chambre, ils ont tout. L'année passée, ils ont fait une année, disons, de fou. Et tu vois, t'es content. Là, il me dit, ben là, c'est. En principe, c'est l'équipe la plus haute que la chambre. Donc, il dit là, en principe, je vais aller au senior, à la région Oregon. Moi, je lui dis en principe, ils peuvent-tu négocier pour avoir une chambre? Si les gars n'ont pas de chambre encore, ça tombe comme c'était l'année passée, ben les voir vont-tu y aller, je ne sais pas. OK. C'est sûr que. Puis c'était pas nécessairement facile l'année passée aussi d'attirer des joueurs parce que, bon, il y avait l'équipe perdante et ainsi de suite. Fait que là évidemment, si jamais ce que tu dis là, ce que tu mentionnes est vrai, ben ça n'aidera pas non plus. Parle-moi maintenant des commanditaires. C'est ça le nœud de la guerre, les commanditaires. Écoute, on parle de 225 000 en commandite qu'il faut aller chercher pour que ce soit rentable. Les Marquis n'ont même pas ça. Les Marquis, puis c'est un marché beaucoup plus gros, là. Ils ont même pas 200 000. Donc, ça aussi, là, ça va faire mal. Pas juste à l'équipe des Sabres, mais ça peut faire mal aux éperviers aussi parce que on vise l'équipe du secteur, dans le fond, là. Non, ça va être partout pareil. Ils vont viser tout, puis il n'y a pas ça. Trouver 225 000 piastres de commanditaires dans le secteur au lac, là. Un peu, là. C'est tous des petits magasins qu'il y a là. Moi, je vois pas une grosse entreprise comme Uniforêt embarquée dans ça. Puis, ça prend quelqu'un qui va avoir de l'argent à dépenser. Ah, c'est clair. Donc, on va suivre ça, c'est certainement. Donc, on t'a dit à la municipalité qu'il y avait les deux. Il y avait de la place pour les deux, c'est ça? Oui. Lui, il m'a dit qu'il n'y a aucun problème. Il dit soit les autres vont jouer le vendredi, ben, le junior va jouer le samedi. OK. D'accord, j'ai pas de problème avec ça. Il joue le samedi ou il joue le vendredi. Et moi, qu'il y ait de la place pour les deux, on est conscient qu'il y a de la place pour les deux, mais on est conscient aussi des commanditaires. Parce que si l'équipe n'a pas de commanditaires, oublie ça, l'équipe va tomber, c'est sûr. Là. Il peut pas. Qui va faire vivre cette équipe-là? Là. OK, oui, c'est sûr. Les Sabres amassent combien en commandites? Est-ce que tu le sais par année? Ben, le junior, ça peut vouloir autour de 50 000. Okay. Les joueurs payent, là. Mais moi, dans mon temps, quand j'avais le junior, à Alma, ma blonde avait été présidente des États, on voit de l'île. On avait un budget de 35-40 000. C'est tout le monde qui commençait à couvrir comme à la terre. On ne changeait pas une scène aux joueurs. Là, les joueurs payent, ça. Fait que, si les joueurs payent, il faudrait bien qu'il y ait une chambre pour à leur goût. Pour moi, vous les recevoir. Nous autres, il y avait leur chambre, il y avait tout. Tout était dessiné dedans. Le logo de l'équipe, les gars ne payaient rien pour jouer. On lui demandait un commanditaire de 250 $. Okay. S'il y avait un commanditaire, on lui mettait dans l'arrière du filet, puis le petit gars, il n'y avait pas d'année. OK. Donc, imagine, c'est pas cher. Aujourd'hui, c'est entre 1000 et 1250. Il y a les équipes devant, là, pour toi. Ouais. C'est des étudiants, ça, là. Tu sais, c'est ça, parce que même moi, Roger, qui est mon frère, qui était gérant l'année passée, il me l'a dit, les commanditaires, ils ont perdu beaucoup de commanditaires. Regardez l'année passée, si tu vois pas là. C'est d'aller chercher, ça, les commanditaires. Ils vont-tu les ramener? Regarde, je ne sais pas si. Non. Dans ce qu'on est, on ose. À 800 personnes dans l'aréna, ça n'arrivera jamais. Non, c'est ça. Ça contient 800 personnes assises, mais en 200 debout, 5000 personnes. Les Marquis demandent en moyenne 1500 personnes pour arriver. Ah oui, c'est sûr. Fait qu'imagine. Ça va vous mettre n'importe qui. Nous, on a parlé avec M. Martel. Mon dernier, mon résident, a parlé avec M. Martel, puis lui, il veut que le junior reste là. Il dit, on a besoin du junior à Robertval, on a besoin du junior à Normandin. Tu sais, on dit, si on ne sait pas, il va peut-être avoir un joueur des PE là, qu'on va pouvoir prendre. On a besoin de juniors, oui, mais si tu rentres de seniors, puis il n'y a plus de place pour les juniors, c'est ce qu'on fasse. Ouais. C'est pas de mauvaise volonté, je comprends qu'ils veulent remplir le corps de l'autre. Mais je comprends pas qu'il y ait des erreurs dans l'âme. Non, c'est, tant qu'à ça, je dis qu'Alma aurait été une. Écoute, là, c'est une opinion un peu personnelle. Moi, je suis content, dans le sens, pour la radio, dans le réseau sport, ça va être du bonbon, sauf que d'un autre côté, je suis pas nécessairement, tu sais, je vois très bien, puis je connais très bien le marché de Robertval. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je comprends pas c'est quoi, pourquoi qu'on est insistant sur Robertval. Et surtout que la municipalité, les gens de Robertval l'ont même pas demandé. C'est ça qui est le plus drôle là-dedans, c'est que les gens de Robertval n'ont même pas demandé. Tu sais, dans le processus d'expansion, tu as toujours des gens, un groupe d'hommes d'affaires qui part, puis qui vont voir la ligue, puis avoir une équipe. Mais là, c'est le contraire qui est arrivé, là. Puis comment tu penses, Annie, que ces gars-là, ça va être des gars de Montréal, des gars de Québec, ils vont pratiquer la semaine dans le centre de Québec, c'est normal, ils ne sont pas descendre dans Robertval. Ils vont venir jouer une game soit le vendredi ou le samedi. Ils vont retourner en dehors ou le dimanche. Ils vont dépenser l'argent qu'ils vont gagner où? Ne pensons pas ça à Robertval. Non. Le champ va être payé, les autres là, mais qui arrivent là, les motels vont être payés. Là. Ouais, ça aurait été beaucoup plus intéressant à Alma, beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros. Si on voulait créer une rivalité, en tout cas à Alma, puis il y a Rio Tinto, il y a plusieurs petites entreprises. Ouais, qui aurait été capable d'embarquer, je comprends pas. Pierre, puisque je t'ai, on a eu des chroniques avec Guy Saint-Gelais tout au long de l'année, et à la fin, à sa dernière chronique, il a dit il faudrait honorer Marcel Maltais. Je sais que Marcel, à quelque part, ça a mal fini, mais quand même, le bonhomme, il faut quand même dire, il a donné 40 ans de sa vie, puis c'est triste. Moi, j'ai toujours trouvé ça triste de la manière que ça a fini, puis c'est triste parce qu'il aurait dû se retirer. Mais est-ce que la Ligue a l'intention quand même d'honorer Marcel Maltais? Nous autres, présentement, on a donné son nom à la Fédération. OK. La Fédération a l'intention d'honorer, je pense, c'est 3 ou 4 personnes par année à partir de cette année. Allez, il y a plusieurs années lointaines, là. Marcel, c'était le premier nom qu'on a donné. Ben, c'est clair. Ceux qui l'ont pris en considération. Et ça fait des fêtes. Probablement, nous, on va... C'est la Fédération québécoise d'hockey sur glace qui est... Ouais. OK. Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. C'est le coin ici. Ils nous ont demandé des personnes qui ont... Nous autres, on trouvait que ça fait longtemps qu'ils travaillaient, qu'ils avaient fait du nom bénévolat. Marcel a été le premier nom qu'on a apporté. Ben. Moi, nous, on n'a rien contre Marcel Maltais, là. C'est sûr qu'on va probablement le fêter, je ne sais pas comment on va s'organiser. Un, on va attendre d'avoir de l'argent. Ouais. Là, on ne sait même pas le budget, on va le savoir la semaine prochaine avec mon lauréat, parce que le tournoi junior cette année ne nous a rien rapporté. OK. Donc, nous autres, là, c'est des équipes. Moi, c'est sûr que moi, Michel, ça aurait été un gars idéal d'être président honoraire à vie. Là. Je trouve ça triste, on l'a dit tout le temps, je trouve ça triste d'avoir... Je trouve ça juste triste la manière que ça a fini, mais je comprenais, puis j'avais dit souvent, Marcel, ça va peut-être le temps que tu quittes avant, puis on connaît ce qui s'est passé. Autre chose, Coupe Dodge, les équipes ont bien performé pareil? Très bien performé, nos équipes ont été performées, on n'a pas été chanceux. Ouais. Junior, on a perdu en supplémentaire, puis on a perdu, on a eu un échappé à 3 contre 1 en supplémentaire. La passe a mal viré. Les autres ont monté à 2 contre 1, puis ils ont fait un jeu parfait, une belle passe sur Fly, puis le gars de Rugolac. Puis les Marco Pop, ils auraient probablement dû gagner. Il y avait 40 lancés contre 15, vers 3-0. C'est le gars-là, l'autre bord, qui a fait la différence. Mm. Et nos équipes ont très bien performé. On était très heureux. On a suivi Junior, on était 2 au Junior, 2 au Midget. Okay. On n'a pas un mois de les équipes ont été polies. Ils ont bien joué du beau hockey, du hockey propre. On a fait une très belle représentation. OK. Pierre aussi, on travaille, j'imagine, sur les nouveautés. On a-tu des idées pour la prochaine saison? Oui, bien là, on est en train de faire la constitution. On est en train de sortir un livre de règlement qu'on n'avait pas. Ah, OK. On va aller avec la constitution. Ça devrait passer à l'OREA aussi. Là. On est en train de le finaliser. Puis on est encore en négociation là, avec Bellechasse, le comté de Bellechasse, la Ligue de Bellechasse. OK. Faire des hominaux, puis on a même l'intention de se prendre dans la préparation d'autres choses pour après les fêtes, mais il faut que les équipes soient d'accord. Il faut passer aux équipes avant. Peut-être faire un mini-tournoi, un showcase, je ne sais pas. Là. Donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y aurait des matchs interligues, c'est ça? Oui, c'est ça qu'on va ça plus. Avec la Ligue de Bellechasse, puis ça comptera au classement, c'est ça? Oui. Deuxième là-bas, deuxième ici. Ça nous ferait 4 games comptés au classement. OK. Ce serait le fun, pareil, hein? Ça amènerait du nouveauté. Ça plaît, hein? As-tu des chances que ça arrive? Non, il y avait la moitié de la Ligue qui était d'accord, puis l'autre moitié, c'était les discutants de l'autre. OK. Il y en a la moitié qui était parvenue, l'autre moitié, c'était plus ou moins, là. Mais on parle juste d'un voyage, on parle pas de tout le temps. Tu joues le vendredi soir. Ouais. Tu peux jouer deux games le samedi. Là. Tu joues, mettons, à 2h le samedi, tu joues à 5h ou 6h le soir. 8h, t'as fini, tu t'en vas chez vous. T'as 2 heures. Ben ouais, c'est pas. Ça te coûte rien qu'un autobus. Pas pire qu'un tournoi, dans le fond. Là. Ouais, c'est ça, ça coûte beaucoup moins cher. T'as pas moins de coucher. Ouais. Ça fait le samedi, jouer dans les samedis. Puis ça mettrait un petit. Ils comprennent, eux autres, mais ils arrivent à voir eux autres. Je pense que le problème, l'année passée, quand eux autres, c'était des 15 minutes, nous, on avait des 20. Nous, on est prêts. Moi, c'est comme les amis équipes. Quand on jouera contre l'autre, on jouera 3-15. OK. Ça ne t'arrange rien. Ça, c'est le junior, c'est pas le midget, ça, hein? Non, c'est du junior, hein? OK. Le midget, on n'a pas un mot à dire. Nos 9 équipes sont là, puis je pense pas qu'il y ait de désistement, là. Puis je ne sais pas si Sept-Îles va réembarquer cette année. Encore ça qu'on va se rendre à soir avec la Fédé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que y a-tu des plans pour le midget aussi pour faire ce genre même. Non. Pas de suite, parce que nous dans nos équipes dehors, ils vont devoir des combos puis à Sept-Îles. OK. Puis à Chipogamo, ça fait que dehors, ouais. Voyage pas mal. OK. OK. On dit pas non. On va en parler pareil à la réunion, on va voir ce qu'ils en pensent. Regarde, c'est le midget, ça fait qu'il va l'année prochaine, il va arbitrer à 4 arbitres. Ouais. OK. Les décisions qu'ils ont prises l'année passée, hein, on n'aurait jamais cru. C'est eux autres qui nous l'ont fait. Mm. On sait, le midget, c'est plein de surprises. Il amène beaucoup de choses qui peuvent nous aider. OK. Ben, on se reparle très prochainement là-dessus. Donc, Pierre, on va surveiller évidemment. C'est une annonce qui est imminente. Donc, on va s'en parler prochainement. Donc, ce serait d'ici un mois. Je trouve le dossier de la Ligue nord-américaine à Robert Ball. Ben, c'est sûr, on s'en reparle. Pierre Gay, le président de la Ligue JMS.